Laisse-moi donc, laisse-moi donc, oh, une chance. Laisse-moi donc, oh, laisse-moi donc, laisse-moi donc, oh, oh, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'accorder juste une minute de ton temps? Je voudrais te parler, mais seulement en privé. Si tu veux bien m'écouter, assieds-toi à mes côtés. J'essaierai d'être con, j'ai pas besoin de grand discours. Laissez-moi tout, oh. Laissez-moi tout, oh, laissez-moi tout. De tes mots pour moi éprouver. Si tu es moins qui cabale et non c'est ta parole en l'air. Laissez-moi tout, oh laissez-moi tout, oh, oh. Laissez-moi tout, oh, oh. Une chance. Pour moi.